29e chapitre. Dans Rousconi. Mais je m'aperçois qu'imprudemment, et selon mon habitude, sans crier gare, je viens d'introduire un nouveau personnage dans ma narration. Ce personnage, dont je prononce le nom pour la première fois, est Don Rousconi, comme on l'appelle chez moi et autour de moi. Don Rousconi est né à Mantoue, comme Virgile et Sordello. Ne vous attendez point à ce que je vous donne une biographie de Rousconi. Une biographie de Rousconi tiendrait plusieurs volumes, et l'étendue de notre livre ne nous permet point de pareils épisodes. La vie de Rousconi a trois points culminants. Il a pris à l'île d'Elbe une tasse de café avec Napoléon. Il a conspiré en 1822 à Colmar avec Carrel. Enfin, il a reçu à Nantes, des mains de Monsieur de Ménard, le fameux chapeau qui conserve encore aujourd'hui, à ce que l'on assure dans la famille de l'écuyer de Son Altesse, un précieux souvenir de Madame la Duchesse de Berry. Comment Rousconi, après avoir pris le café avec Napoléon à l'île d'Elbe, après avoir conspiré avec Carrel à Colmar, après avoir pris la Duchesse de Berry à Nantes, en était-il arrivé à montrer et à expliquer Messinges à la Villa Médicis? C'est à la fois une odyssée et une Iliade. Rousconi, qui avait fait la campagne de 1812 avec la division italienne du général Fontanelli, s'était, lors des désastres de 1814, retiré à Milan. Ce fut là qu'il apprit que son empereur, qui avait tant donné de trônes, venait d'en recevoir un. Il est vrai que la Sainte Alliance ne s'était pas ruinée en le lui donnant. Ce trône, c'était celui de l'île d'Elbe. Dès lors, Rousconi eut l'idée de consacrer ses services à son empereur. Par l'entremise de Ventini, procureur général à l'île d'Elbe, il obtint la place de commissaire de police spécial à Porto Ferraggio. Un jour, une rixe eut lieu entre des soldats de la garde et des bourgeois de la ville. Le commissaire de la ville fit son rapport en italien. Le rapport fut porté à Cambronne. Cambronne ne savait pas un mot d'italien et espérait ne pas rester assez longtemps à l'île d'Elbe pour avoir besoin de l'apprendre. Il envoya chercher Rusconi pour lui traduire le rapport de son confrère. Rousconi en était à la seconde ligne lorsque le général Drouot envoya chercher le rapport. Comme le général Drouot ne savait pas plus l'italien que Cambronne, il demandait un interprète en même temps que le rapport. Le général Cambronne envoya le rapport et Rousconi, l'un portant l'autre, au général Drouot. Le général Drouot allait se mettre à table. Il invita Rousconi à déjeuner avec lui. Rousconi traduirait au dessert le rapport. Mais il était écrit là-haut que le rapport ne serait pas traduit. Les deux convives en étaient au café quand l'empereur entra. L'empereur venait demander le rapport. « Mais, lui dit Drouot, il est en italien, sire. »« Eh bien, fit l'empereur, est-ce que je ne suis pas corse ?» Moi ? Il prit le rapport et le lut. Mais tout en lisant le rapport, « Vous avez là du café qui sent bon, » dit-il à Drouot. « Si j'osais en offrir à votre majesté, » dit le général. « Offrez, Drouot, mais je l'aime chaud, je vous en préviens. » Rousconi se précipita, mit la cafetière d'argent sur les braises rouges et Napoléon, son rapport lu, eut la satisfaction de prendre une tasse de café bouillant. Puis, il invita Drouot et Rousconi à prendre le leur. Ils le prirent froid, mais le prirent avec Napoléon. Voilà comment s'accomplit ce grand événement qui laissa de si profonds souvenirs dans la mémoire de Rousconi. Rousconi revint en France avec l'empereur, mais après Waterloo, ce fut pour lui une existence à recommencer. Il se retira à Colmar où, grâce à ses études cadastrales, il gagna sa vie en arpentant la France telle que les Alliés nous l'avaient laissée. Mais la France telle que les Alliés l'avaient laissée n'était point la France de son cœur. Il en résulta que Rusconi, ayant fait la connaissance de Carrel, qui conspira avec Carrel. C'était le général d'Hermoncourt, ancien aide-de-camp de mon père, qui était à la tête de la conspiration. Elle devait éclater le 1er janvier 1822. Elle fut découverte le 28 décembre 1821. Rusconi jouait au domino dans son café lorsqu'on vint l'avertir qu'un mandat d'amener était lancé contre Carrel, le général d'Hermoncourt et lui. Il pouvait croire à la nouvelle, car elle lui était apportée par le greffier qui venait de signer les mandats d'arrêt. Rusconi courut chez lui. Il était caissier de l'association. Il mit dans ses poches les 500 louis qui, pour le moment, constituaient la caisse et courut chez Carrel. Carrel n'était pas chez lui. Tandis qu'il était en train de courir, Rusconi courut chez le général d'Hermoncourt. Le général d'Hermoncourt n'était pas chez lui. Carrel a 23 ans, d'Hermoncourt a 50, découchés tous deux pour la même cause. Oh, que ce bon monsieur Jacqual a bien raison de dire, en toutes circonstances, chercher la femme. Rusconi avait bien autre chose à faire que de chercher la femme. Il avait sa chère petite personne à mettre en sûreté. Il laissa un mot à chacun de ses associés et alla se cacher dans un bois qui bordait la route de Colmar. C'était par cette route que les conspirateurs devaient fuir. Carrel passa le premier. Il était 6 heures du matin à peu près. Rusconi appela et se fit connaître. Carrel avait été prévenu et se sauvait. « Avez-vous besoin d'argent ?» lui demanda Rusconi. « En auriez-vous ? » demanda Carrel étonné. « J'ai 500 louis au général, » répondit Rusconi. « Donnez-moi 50, » dit Carrel. Rusconi lui donna les 50 louis et Carrel disparut au galop. À peine le galop du cheval de Carrel s'était-il éteint que le galop d'un autre cheval se fit entendre. C'était d'Hermoncourt qui se sauvait à son tour. Rusconi se fit reconnaître, lui et ses 450 louis. 450 louis sont toujours bons à rencontrer, surtout quand on est compromis dans une conspiration, que l'on quitte la France et que l'on ne sait pas quand on y rentrera. D'Hermoncourt fit monter derrière lui le caissier et la caisse. Puis, au lieu de se diriger vers le pont du vieux Brisac, qui, selon toute probabilité, était déjà gardé, on se dirigea vers la demeure d'un parent du général d'Hermoncourt. Le lendemain de l'arrivée du général et de Rusconi chez ce parent, on ne parlait plus que d'une grande chasse aux oiseaux d'eau qui allait avoir lieu dans les îles. 50 chasseurs, parmi ceux qui avaient les opinions les plus avancées, étaient invités à cette chasse. Il y avait de quoi faire face à toute la gendarmerie du département, dans le cas où il lui prendrait l'idée de venir demander aux chasseurs leur port d'armes. D'ailleurs, pour plus grande sûreté, au lieu de charger les fusils avec du 7 ou du 8, comme on fait quand on chasse aux bécassines, on chargea, selon la fantaisie du chasseur, qui a balle, qui a lingot. On partit pour la chasse. Il y avait 20 barques, une véritable flottille. Une des barques dévia, emportée par le courant sans doute, et alla déposer 2 chasseurs de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire sur la terre étrangère. Ces 2 chasseurs, c'était le général d'Hermoncourt et son fidèle Rusconi. Le général d'Hermoncourt rentra en France à la suite d'une ordonnance de non-lieu. Ce fut plus long pour Rusconi, italien et par conséquent étranger, mais enfin il rentra et se remit à mesurer la France. La révolution de 1830 éclata. D'Hermoncourt, remis en activité, prit Rusconi pour secrétaire. Nommé en 1832 au commandement de la Loire inférieure, il emmena Rusconi à Nantes. Le 10 novembre 1832, à 9h du matin, Rusconi se trouvait dans la mansarde d'une maison appartenant aux demoiselles du Guigny, causant tranquillement avec deux gendarmes qui se chauffaient les pieds à un feu de journaux qu'ils avaient fait dans la cheminée, lorsqu'une voix qui venait on ne savait d'où cria « Levez la plaque de la cheminée, nous étouffons !» Les gendarmes firent un soubresaut sur leur fauteuil. Rusconi fit trois pas en arrière. On comprit alors d'où venait cette voix et qui étouffait. Les gendarmes se précipitèrent et levèrent la plaque à grand-peine. Elle était rouge. Puis ils se mirent à balayer la cheminée pour faire aux prisonniers un passage praticable. Les prisonniers alors se présentèrent dans l'ordre suivant. D'abord son Altesse royale, la Duchesse de Berry. À tout seigneur, tout honneur, direz-vous. Non pas, il ne s'agissait là ni de seigneur, ni d'honneur. Madame était la plus proche de la plaque. Elle sortit la première. Voilà tout. Rusconi, avec ses habitudes de Sigisbée, lui offrit galamment la main. Puis vint Mademoiselle de Kersabiec. Pour celle-ci, la sortie fut plus difficile. Elle était si grosse qu'elle ne pouvait point passer. On s'y attela et l'on finit par l'amener près de la duchesse. Puis vint Monsieur de Ménard, qui glissa tout seul, grand et mince comme il était. À part son nez, il eût passé par une chatière. Seulement, il était empêché par son chapeau, qu'il tenait à la main et pour le contenu duquel il paraissait avoir le plus grand respect. Ce que contenait le chapeau de Monsieur de Ménard, c'est le secret de l'histoire. L'histoire ne l'a point révélé, nous ne serons pas plus indiscrets qu'elle. Ce que nous avions à raconter, nous, c'est comment Rusconi avait pris le café avec l'empereur Napoléon, avait conspiré avec Carrel et avait reçu des mains de Monsieur de Ménard le précieux récipient qui contenait la relique mystérieuse. Maintenant, comment Rusconi, après avoir accompli ses hautes destinées, était-il redescendu jusqu'à moi? C'est ce qui nous reste à dire et qui ne sera plus long. Pour avoir parlé à Madame la Duchesse de Berry, le chapeau à la main, tandis que Monsieur le préfet Maurice Duval lui parlait, le chapeau sur la tête, le général d'Hermoncourt fut mis à la retraite. Mis à la retraite, d'Hermoncourt n'eut plus besoin de secrétaire. N'ayant plus besoin de secrétaire, il se sépara de Rusconi. Mais en se séparant de Rusconi, il lui donna une lettre pour moi. Dans cette lettre, il me priait de créer près de moi une sinécure dans laquelle Rusconi put tranquillement passer ses vieilles années, comme l'arbogaste de M. Viennet. Il ne demandait rien pour prix de ses services que de passer ses jours dans le sein des délices. Je lui accordai la sinécure demandée. Rusconi entra chez moi vers 1834, je crois. Il y est encore aujourd'hui. Il y a donc 23 ans que, sauf pendant mes voyages à l'étranger, j'ai le bonheur de voir Rusconi tous les jours. Que fait-il chez vous? Ce serait fort difficile à dire. Tout et rien. J'ai créé un verbe pour cela. Le verbe est parfaitement expressif. Il rusconne. Tous les services qu'un homme peut rendre à son prochain entrent dans l'immense circonscription du verbe rusconner.